enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Ça fait mal, t'inquiète pas, c'est normal. Même à Spielberg, on a dit non. Même à Spielberg, on a dit non. À Picasso, on a dit non. À Shakespeare, on a dit non. À Walt Disney, on a dit non. À Mahomet, on a dit non. À Lao Tzu, on a dit non. À Maïmonide, on a dit non. À l'abbé Pierre, on a dit non. Ça fait mal, t'inquiète pas, c'est normal. Même à Spielberg, on a dit non. Même à Spielberg, on a dit non. À Elvis, comme à Jean Cocteau, à la Calas, comme à Marilyn, à Zidane, Zinedine, comme à Charlie Chaplin, à Einstein, à Mozart, autant qu'au roi Balthazar. Un jour ou l'autre, on a dit non. Non dans la rue, non dans les yeux, surtout parfois dans la plaine des burnes. Non à l'Europe, non au JO. Soit le Tché ou Saint-Nicolas, sache qu'aller en arbre ainsi, on n'a pas toujours dit oui. Comme à Moïse, on a dit non. Comme il a dit non au pharaon. Tu te fais recaler, ta requête est repoussée. Tu te demandes ce que t'as raté, tu comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi on t'a refusé, refusé, refusé? Et pourquoi donc on t'a dit non? Que tu sois le roi des rois ou une tête de pion, quand on te rejette, ça fait mal. T'inquiète pas, c'est normal. Même à Spielberg, on a dit non. T'as-tu remarqué ça? Hey, aujourd'hui, un hôtel se veut miteux lorsqu'il n'y a pas d'accès à Internet. De nos jours, ce n'est plus hygiénique, mais technologique. S'il vous plaît, sur vos applaudissements. C'est bien réfléchi. On sent qu'il y a une constance intellectuelle qui se perd. Bref, on est en pleine dérive. Partons, la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs, tirons notre nacelle, avant un bon cœur. Nous partirons ensemble, la terre est bien bleue, à fond des sunny money, voici des bingues bleues. Oh, mon nez, non! Hey, calme-toi, champion. Calme-toi. Prends ton temps. Respire par le tripolaire. Et puis, examine. Tout le monde peut devenir SDF. Hey, tu tombes, toi, du ridicule au dramatique, du dramatique au comique, du comique à l'interrogation, de l'interrogation à rien. Rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, mais c'est très bien. Tout le monde peut devenir SDF. Autant un directeur de banque qu'un chanteur de jazz, qu'un animateur de radio, qu'une danseuse contemporaine, qu'un philosophe excentrique, qu'un peintre abstrait, qu'une religieuse abstraite et qu'un abstrait distrait. Un abstrait distrait. Moi, en 1957, je me souviens de l'heure parce que avant ça, on disait 5 heures. On disait pas ça, ces niaiseries-là, là, de 17h15, 17h15, il est 5h20, puis du matin ou du soir, on était rivés sur deux cas, nous autres. On cliquait à deux reprises dans la même direction. Quand on nous disait, peux-tu venir nous chercher à 3h15? Oh oui, on y allait à 3h15 du matin, puis à 3h15 du soir. On était là à 3h15 dans les deux cas. On était capable dans ce temps-là. Aujourd'hui, bof, on est 15h17, attends un peu, le 3, 14, 15, 15, ça veut dire 15 moins quoi? Donc, la petite, c'est quoi? Ouais, c'est la grosse, viens ici. Dis-moi, c'est quoi la 15 dans 12? C'est pas du billard, ça, là? C'est du billard imaginaire. Bon, une autre affaire. Ça fait peur. Encore là, on craint de pas comprendre. C'est vrai, c'est comme à l'école. T'es à l'école, là. Disons, même pas de la vie, là. Parce que selon... Tout le monde y va, là. À petite ou à grosse ou à grande dose. À petite ou à grande dose. Hey, depuis quelques années, j'ai appris à dire non pas. Parce que quand même, j'ai rentré dans la strate sociale les plus... élitistes. Élitistes. Je connais Élie Fortin, Élie Medeiros. Hey, Élie Medeiros, j'ai des grosses chances de la rencontrer en 2015. Toi, mon toi. J'ai dit à un moment donné. Hein. Toi, bon, c'est normal, c'est la mémoire qui flanche. Toi, mon toi. Comme un petit poisson. Mais ça, c'est la chanson, le disque le plus connu. Elle faisait partie d'un groupe punk des années fin des années 70. Elle était avec Jack No. Parce que Jack Kerouac, c'est une autre histoire. Là. Jack Kerouac, lui, c'était And the road again. Il roulait, là. Je ne veux pas revenir là-dessus. Moi, je connais ça, le rouler, là, parce que les routes, là, je les sens. Là. J'ai changé mon vent. Mon banc pour un banc. En fait, j'avais un banc moelleux. Maintenant, j'ai un banc à clous. Non, faut souffrir. Parce que moi, si je veux atteindre le Nirvana, là, Kurt Cobain, il faut que je me fasse mal. Fait que depuis presque un an, j'écoute de l'opéra. Ça fait mal. Ça fait mal de l'opéra. Mes oreilles saignent. Déjà 3572 gouttes. Aïe aïe! Il y a un vampire qui rôde dans le bout! Derrière mon dos! une ventouse. Hein? Pas une ventouse, monsieur Gaétan, attention, toi, le Gaétan, mon Gaétan, je t'aime, mais pas trop! C'est une manière de parler, ça, la ventouse. Pas les serpents, mais ni les vers de terre, comme les sangsues. Qu'est-ce que c'est insignifiant, cet animal-là? Pourquoi ça existe sur Terre? C'est comme mon ancienne femme. Pourquoi ça existe sur Terre? Elle aussi, c'est une sangsue. Il n'y a plus rien à inspirer dans le compte de banque. Il n'y a plus rien. Ça vaut rien. Privons les privés du clandestin et ils s'éparpilleront au grand jour. Je l'aime, celle-là. On répète. Privons les privés du clandestin et ils s'éparpilleront au grand jour. Ne te laisse pas assombrir par les ondes grises, car elles s'éclaircissent avec le temps. Avec le temps. Avec le temps. Tout ça va. Même tous mes chouettes souvenirs. Mais là, c'est gueule. Quel choix fouille. Je vais rire de mort. Je vais déjà faire, je sais. Ne te laisse pas assombrir par les ondes. On le dit. Je tourne la page. Je la laisse là, puis je relis. Je suis comme, il y a des mots, il me dit les mots, il me dit les mots. Non, mais ça fait... Ça donne la peur, cette émission. Ça donne la peur. Je te la donne, la peur, moi. Je te la fais même pas payer. Quoique, si je te dis comment ça coûte, tu vas encore avoir peur, plus peur que d'habitude. Toi qui crains tout, la brise du printemps, la pluie de l'automne et le soleil de l'été. Et en hiver, un flocon te semble un banc de neige. Ah, que de visions intenses dans ton regard, petit, grande dame, petite vertu. Adoré de tous, nous sommes là ensemble devant toi, nous te voyons coucher, joncher le tombeau, nous t'avons apporté fleurs de printemps et neige de boule. Hein, boule de neige? Boule de neige, inversion finale, arrêt total. Ce sont les préliminaires. Et allons acheter la bière! Non, hey, voyons. Selon un SDF, on peut vivre dans une boîte en carton. Ah oui! Je l'ai rencontré, ce SDF-là, il y a 3 semaines. Il rentre dans une épicerie. Ça jette 6 bières. Pas une bière, 6 bières. Il me paye avec 10 piastres. Il donne son change. Son petit change. Il compte son petit change. Il dit 27, il dit 8 change, il dit 8 change, oui, il dit 8 change, oui, il dit 8 change, il est peut-être vide. Il doit saler peut-être vide, ils sont salés. Monsieur, ça va bien, ça va très bien. Moi, je peux vivre dans une boîte de carton. Ça se fait, on peut vivre dans une boîte de carton. Ouais, mais quand il pleut, il pleut. Ah, OK. Merci. Puis quand il neige, il neige. Puis quand il fait froid, le froid, le carton bloque le froid. Voilà. Le carton bloque la neige. Le carton bloque la pluie. Le carton bloque pas la police, là, mais le carton. Ah, je connais carton, moi. Le chanteur, la tête dirigeante, celui qui instaure le groupe en lui-même. Les Raoul Petit, c'est pas le carton. Il vit dehors, dedans, avec des chevaux, des chiens. Il est heureux. Carton, quel âge il a, mon carton? Petit carton, carton. Faudrait que je l'appelle. Parce que carton, c'est pas son vrai nom, là. C'est M. Picard. Hey, j'ai le numéro de M. Picard. Il est pas en Picardie, mais il est au soleil. Mais pas comme Brigitte, là. Brigitte, elle, c'est nu, au soleil, complètement nu, au soleil. Non, lui, quoique, dans ce spectacle, il se fout pas mal à poil, comme Didier Wampas. Sauf que, il y a 2 groupes, là. Puis je dirais pas lequel, là, mais j'ai une préférence entre les 2. Mais je dirais pas lequel. Alors, carton, peut-être que carton lui peut vivre en hiver, en été. C'est ce carton-là qu'il voulait dire le SDF, là. Pas la matière provenant d'un arbre. Là. Je maïs lorsque je me crée. Je maïs, je me mets tous les matins comme d'habitude. Non, je mets lorsque je me crée des soucis matériels. Oh, je m'haïs! Maïs, je m'haïs! Presque soufflerie! Pas dans la machine qui fait du pop-corn! Quoi? Du pop-corn! Non, c'est du maïs soufflé. C'est pas pop-corn? Non, c'est pas pop-corn. C'est maïs soufflé. Moi, je mange du pop. Non, je le pop-corn! C'est du maïs soufflé! Parce que le maïs éclate. Même, on pourrait dire du maïs éclaté, comme l'émission Errance Rénaldienne. Pourquoi c'est du maïs? Embarquez-le, s'il vous plaît, là. 405, 3e avenue, s'il vous plaît. Allô? Appelle le 911, c'est un malade. Regarde, on veut plus de monde de même ici. Là. C'est une émission, quand même, qui tient sur ses pattes. À peine. Ça tient à peine. À peine. Ah, on va l'envoyer dans le plan. Ouais, peine. Ah ouais, on n'a pas de peine. Là. Sean, on n'a pas de peine, mon Sean. Ah, Sean. Moi, j'ai un beau Sean. Éclairé, chauffé, pas en carton, là. En pitoune, en belle grosse pitoune. Sculpté. Al dente. Ah, le bois est al dente. J'en mangerai. Même le castor aime ça. Arrêtez de ronger, vous autres, là. Longez-moi ça, le rongage. Le rongage. C'est pas lui, rongage 58. Non, c'est Gainsbourg. Elle se reconnaît derrière son miroir, mais jamais devant. À force de se mentir, elle étire la vérité pour la déformer comme toutes les histoires qu'elle relate en se croyant apte à affronter l'existence. Elle se le fuit à outrance. Journal, dis-moi, qui renferme le mieux un quotidien banal, les mots qui s'y trouvent ou les pages qui les habitent? Le vent vibre. Une variation vient s'implanter au creux du printemps. Une sorte virulente qui s'invente pas. Loin de la brise, plus près de la tempête, prêt à arracher comme l'univers punk, court mais intense comme je voudrais vivre mon existence. Ah ouais, Clémence. Tourne dans ma caisse dans le fond de la boîte à bois. Oui, dans les inalamas. On part là-dessus. Ça, c'est de la transe. On l'a déjà fait. Elle dénude les dénis. Oh, j'ai eu peur, voilà, là. Non, j'ai dit déni. Mais pas un P, c'est déni. Quoique, ça fait penny. Ma chère, pouvez-vous m'aider? Je peux avoir un penny. Un petit penny. Non, dans ma main, pas dans ma bouche. C'est épouvantable, Raymond, censure, c'est épouvantable. Elle dénude les dénis. J'ai besoin de l'argent, moi. Pouvez-vous me donner de l'argent? J'ai besoin de pénis. Non, dans la main, pas dans la bouche. C'est quand elle va avoir des... Alors, on a un court-circuiteur, là, celui qui... L'ascenseur. Mais j'ai rien dit de méchant. Voulez-vous que je répète? Troisième prise. Ah non, madame... arrête-moi ça. Non, mais refais la... Mais sans le dire, là... Ah, oh, maintenant. Je rentre facilement dans le rôle, hein. Parce que c'est ce que je vais faire plus tard. Ah non, mais je ferai pas le... Je vais payer une dame pour faire. Parce que... Non, sincèrement, ça m'intéresse pas. Ah non, non. Gaétane, s'il vous plaît, mets ta soutane et tire-toi. Elle dénude les dénis. Miraculeusement, elle ne se ment pas. Elle détourne seulement sa réalité pour ne pas s'y frapper. Elle se cogne à la vie plutôt de s'y flatter. Le velours écorche lorsqu'on le saupoudre de fabulations négatives. Le jour arrivera, mais toi, y seras-tu? Toi, y seras-tu? Tu es la chose, l'être le Dieu. Dieu, on a commencé tranquillement, hein, la chose. L'être, le Dieu, quand même. Mais c'est comme monter les marches, on commence pas en haut, on débute. Excusez-moi, on est en train de jouer aux cartes. Moi, j'ai toujours le 2 de pique. Ben oui, je suis un mon 2 de pique. Raymond, va-t'en. 2 de pique, 2 de pique. Je suis ton carreau, puis... va-t'en. Quoi, le carreau? La blague avec le carreau, c'est quoi? Passe carreau. Passe-poil. Monsieur le Président. Passe-montagne. Hein? On dirait les vrais... T'es un demi-papa. Pour ce matin, j'aime les papillons. T'es sous les neuf et les poufestons. Parce qu'à quoi qu'il veut dire, t'es comme dans le corps. Moi, c'est pas ma génération, moi. Moi, c'est... 9 moutons. 10 motos. Non, 10 motos. 10 scooters. 9 dérapes. 5 lumières. 3 polices. 2 voitures. 1 mort et 1 tombeau. Une fin est en hausse. C'est beau, hein, la chanson de... Voici, Monsieur le Président, l'émission la moins catholique de la Terre. Si elle peut supporter tout ça. Peut-elle supporter? Elle en a supporté tant. Et, monsieur, faites-moi pas parler parce que le support, elle en a. Elle a du support, monsieur, là. Dolly Parton a pris exemple là-dessus. Là. Au Québec, on en connaît, on peut pas les nommer, parce qu'ils pourraient écouter notre émission. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Le Néant Gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. L'absurde aventure est là. C'est toute une aventure. De l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres. Votre itinérant langagé, votre SDF, Reynald Le Néant Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 5 juin. Il y a trois jours. C'était ma fête. J'étais couché, zonché, bouché, à volonté. Gaétan, Rita, Simone, Myriam, Myria, Titoun, Tipoun, Patoum, Patapoum, étaient devant moi. Je ne pouvais même plus bouger. Quoi, c'est ma vie. C'est fait de tout, c'est fait de rien. Quel âge t'as eu, mon petit? Oh, mon Dieu. Est-ce qu'il faut me multiplier, diviser? Je retiens rien. J'ai eu néant. Qu'est-ce que vous voulez dire par néant? Mais... Oh, je veux pas d'âge. Je suis non chronométré. OK? C'est comme si tu prenais un taxi, là, puis le monsieur oubliait de peser sa pitoune. On pourrait dire, madame, mais savez-vous qu'il y a juste 2% des femmes qui sont conductrices de taxi? Donc, il a oublié de peser sa pitoune parce qu'il te voit arriver, puis il te reconnaît, puis il dit, oh non, c'est le gars de CKRL, les Transrénadiennes, oh non, il va me faire rire, je vais avoir du plaisir, puis là, ben, moi, ils sont bien, c'est terminé, pas de pipi dans les toilettes, c'est fait sur le bas. Ah! C'est déjà arrivé. Mais ça devait me coûter 45$. Ça m'a coûté 0$, puis lui, ça lui a coûté 150$ de nettoyage. Vive l'humour! L'humour humide! Laissons sur la chaussée. Alors, j'ai le droit de déraper ce soir. Là. C'était mon anif. Joyeux anniversaire, une fois dans l'année. Joyeux anniversaire, et à l'année prochaine. Oh, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Aïe, aïe. J'ai mal à mon ego. Ah ouais, vas-y. Ben vas-y, vas-y, j'ai rapporté l'os pendant 3 jours, ma belle enfant. Hey, j'ai retrouvé tes côtes, hein? Pas le côte d'Adam, là, mais continue. Il faudrait que tu manges un peu, là. Mon chien s'intéresse à toi. Hey, il commence à se lécher la babine. J'ai dit, babin, lâche la babine de ma copine. Il est de même, lui. Ok, s'il te plaît. Veux-tu manger du petit pablum? Parce qu'il faut manger tranquillement au début, là, hein? Fait quoi, ça fait 25 ans que t'as pu manger? Non, t'as... Ah, oh, t'as juste 19. Bon, ça fait 19 ans que t'as pas mangé. Bon. C'est triste, là. Puis, à un moment donné, faut s'en sortir. Puis, il existe tellement... Moi, écoute, je suis un amateur. Même un professionnel de la bavette. Il existe la bonne bavette. Fait que commence par du pablum, mais après ça, on va graduer de la salade, puis de la soupe au pois, puis... Après ça, de la bavette. Oh, mon Dieu. Hey, moi, là, c'est à peine cuit. Tu tournes, il faut entendre, tu retournes dans l'assiette. Deux, il faut presque entendre la chanson. Parle plus bas, car on pourrait plein bien nous entendre. Tu sais bien que notre amour pourrait s'entendre. Tu verras bien. Si c'est pour nous, parle plus bas, car ce sera peut-être plus nous. Parle plus bas, mais parle encore. Ça, ce serait intéressant de chanter ça à un mort. Parle plus bas, car on pourrait... Parle plus bas, mais parle encore. Je sais pas pourquoi on dit un cri de mort. Là. C'est important de savoir ça. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de la chanteuse Nuit Vert. N-I-U-V-E-R. Nuit Vert et cubaine. Donc, très jolie. Installée en France depuis quelques années, elle sort son deuxième album, Transnunciando. Et chez Sony. Puis même, elle me l'a envoyé par messager. Et le gars était, je ne veux pas non plus dire le mot, mais je dirai le mot. Il est venu mener ça en scooter dans mon auberge de jeunesse. Dans le 18e, à Pigalle. Tu vois, lorsque moi, j'étais au 3e, je me préparais à redescendre parce que j'avais chargé les piles pour la prochaine rencontre. Je vois arriver Sony sur le scooter, le gars avec le disque. Ah! C'était super. Vous allez entendre à la fin de l'émission tout ça. Pas le scooter, mais le fait qu'elle va appeler pour... En tout cas. Deuxième album, toutefois, est un peu escamoté par son pop plus apté à séduire le public français. En juillet 2014, Errance Reine-Indienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette fille sublime. La preuve, mais avant tout, de la zizik. Ah, c'était la belle vie avant, quand t'étais aventurier, quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Après c'était plus dur quand t'as été guerrière au pendant que tu faisais banquier avant centré puis dresseur de chameaux. Maintenant tu es chanteur et que tu gagnes pas mal ta vie, mais des fois quand vient le soir bah tu t'ennuies. Hey Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavilliers, t'es obstétricien, ah non tu l'as fait en 80. Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreilles, que t'avais filé des guerrieros, que t'avais aidé pour vaincre la junte militaire en place. Mais le mec qui les a achetés, bah il a pas pu repartir avec, vu qu'elles étaient bien trop lourdes, du coup bah tu les as gardées. Ça fait une anecdote super marrante à raconter. Bon peut-être nous on raconte mal, ou peut-être c'est toi qui s'est raconté. Comme quand t'étais chasseur de tigres, et que tu t'es fait bouffer un bras, et que ton bras il a repoussé, ouais t'es comme ça. Bernard Lavilliers, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavilliers, ah peut-être pilote d'hélicoptère. Ah bah non, tu l'as fait avant-hier. Ah là là, une avalanche en Haute-Savoie et un barrage qui vient de craquer. Faut appeler Bernard Lavilliers. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Un volcan vient de se réveiller. Vite, appelons Bernard, il aura une idée.

Et je sais pas, nous on habitait à la campagne, donc c'était plus le Punto Guajiro, donc ouais. des chansons paysannes. Je pense à toi, tu penses à elle, elle pense à lui. Le temps presse, qu'elle lui voudrait gagner mes lèvres, moi pourtant. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. Je pleure pour toi lorsque tu pleures pour elle, pleure pour lui. Lorsque je perds mon cœur, elle lui voudrait mon âme entière et moi pourtant. Je veux la tienne. Ah, je veux la tienne. J'aurais aimé ma voix plus claire. L'amour n'a jamais su besoin de vos peurs. Moi, je veux l'amour que j'ai m'invente. Moi, je veux le boire ta bouche de menthe. Joue encore, encore un peu. Moi, ta jolie, dans mon bien-aimé. Viens prendre l'amour que je te professe. Viens le boire de ma bouche de fraise. Que tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Je pense à elle. C'est toi. C'est toi que je pense à toi. Et tu ne vois qu'elle. Elle pense à lui, elle ne voit que ses peines. Elle lui voudrait un peu mes veines, moi sans toi. Pourtant c'est toi que j'aime. Jamais su besoin de vos peurs, moi. Je veux l'amour que je m'invente. Je veux le boire de ta bouche de menthe. Joue encore, encore un peu. Moi, ta jolie, là, mon bien-aimé. Viens prendre l'amour que je te professe. Viens le boire de ma bouche de fraise. Paris sans toi est un enfer. Les amoureux. Encore, moi toujours, sans ton amour. C'est l'été à Beyrouth, c'est l'hiver dans mon cœur. C'est toi que j'aime. Parce que c'est toi. C'est toi que j'aime. C'est toi que j'aime. L'hiver dans mon cœur. Des controverses, ça veut dire des jeux de poétique entre plusieurs chanteurs qui improvisaient sous le moment. Ah, c'est bien. C'est génial. Je viens de là. En fait. Ok, alors tu l'as gardé lorsque tu montes sur scène, tu joues un peu avec ça? Ouais, j'ai fait une chanson dans mon album qui est vraiment un hommage à mes racines campesinas, ouais. Paysannes. Ouais. Et donc la musique traditionnelle de Cuba, folklorique. Est-ce que c'est toi qui écris les paroles? La plupart de... Surtout le deuxième album, j'ai presque tout écrit. Sauf deux chansons. Une, c'est À ton poisson, le chanteur français. Oui, Tom Poisson, oui, qui est très connu. Voilà, qui m'a écrit une chanson mais super comment belle. Comment tu as fait pour le rencontrer, Tom Poisson? Parce que c'est assez rare. Et il écrit rarement pour les autres. Oui. Donc en fait, nous avons une vraie amitié avec Tom. Et il est marié, ou il va se marier d'ailleurs, avec mon ex-manageuse. Donc, le monde est petit. C'est comme ça que je l'ai rencontré et j'ai tombé sur ses chansons. Je trouvais que c'était vachement incroyable, bien. Et après, quand on est devenus amis, il a eu envie de m'écrire une chanson. Et voilà, une chanson assez autobiographique d'ailleurs. Parce que pour moi. Tu as parlé de toi à Tom Poisson, puis lui, il a comme pris. On comme... est devenus amis. Okay. Donc, avant même de créer des chansons ensemble, on était amis. On se voyait tout le temps. D'ailleurs, je suis même la marraine de sa fille avec sa femme. Ah, c'est bien. Donc, on a vraiment des liens très forts. Vous habitez près?

ne réchauffe plus mon cœur, refroidissant mes ardeurs. Je n'ai même plus besoin d'ailleurs de vous avoir dans mes chansons. Mi corazón, mi corazón, mi corazón. J'ai retrouvé enfin la joie, parce que l'amour est en moi. J'ai retrouvé l'inspiration. Je dois vous dire que soy mejor, que je vais bien, que je vais mieux, que l'amour est bien meilleur à deux. Je dois vous dire que soy mejor, que je vais bien, que je vais mieux, mais vous n'aurez plus. Oh non, non, non, non, non, ni corazón. Islamabad, Bollywood, hit parade, télégramme d'Asie, CIA, easy. Murmures atomiques, prêts au choc, soirée chic, policeman, Sherazade, cieux safran, yeux de jade. Bon baiser d'Islamabad, cardamone, Craven, hey, pétrole et limonade, opium, cricket, Rolls-Royce, lazuli, princesse saoudienne, robe longue et rubis, soirées américaines. Bon baiser d'Islamabad, vin d'orange, méthanol, rose pourpre et grenade, marché noir, folles idoles, crépuscules immolés, vétiver, jasmin, groupuscules armés, G.I. Joe's en chemin. Bon baiser d'Islamabad, mystique karaoke, Freedom Fries et Jihad, Dieu s'achète et se troque. Et le ciel anthracite est un orgue silencieux, où dansent les satellites, God bless you, gloire à Dieu. Bon baiser d'Islamabad. C'est de la magie. Tu le prends avec beaucoup de plaisir, tu penses. Voilà, et puis là, je vais partir en tournée en toute l'Amérique latine.

notice au dos, c'est le mode d'emploi. Laissez tremper dans l'eau et compter jusqu'à 3. Sur un support bien lisse, ça devient un réflexe. On maintient de l'index et du pouce en coulisse. Et allez, micro-jets à l'avant du frigo. Et une tête d'Indien sur la tranche du vélo. Chaud le vent, chaud, chaud, c'est le mambo. Je dois sécher si l'on veut qu'il soit beau. Et une panthère noire sur la lunette arrière. Et un cheval au galop sur la joue du scooter. Chaud devant, chaud, chaud, c'est le mambo, mambo, mambo. Tous les dingos, les oraux, les Bambi, les Mickey, les Pluto. Mambo, les rotopos, les pin-up en maillot. Et les mambo.

C'est vrai que ça peut être bien. Je pense que je prendrai les cartes et j'enverrai aux gens. Mais là, c'est le PDG de Big, en fait, en chante pour eux ce soir, ça va être bien. Ouais, si tu peux, ce serait génial. Ouais, je te renvoie tout. Ok, génial. Merci beaucoup, Aurélien. Bonne journée. Salut. Bon, c'est réglé. Je vais juste vérifier l'adresse pour être certain, pour ne pas l'envoyer n'importe où. Là, ça ne sera pas très long. Je sais que c'est peut-être 7 Aristide Bruant, mais je ne suis pas certain. Je sais que c'est Aristide Bruant, cette rue-là ici. Ouais. Mais l'adresse précise, je ne sais pas. On va le chercher. Ah, voilà. Donc. Ok. Ça sera pas très long. Comment? Ça sera pas long. Tu vas voir, je vais arriver avec quelque chose. Voilà, ça c'est ma relation avec Sony. C'est super. C'est j'appelle, bien. Ils sont disponibles. Ils sont disponibles. Ah merde. Ça sera pas long. Non? Ah oui, mais c'est parce que mon ordinateur ferme tout seul. Mais il va réouvrir. Sinon, on va aller chercher l'adresse. Et puis, Ah oui, c'est ici à côté. Oui, ok, parfait. Ok, parfait. Sé que te vas de París, pero te quedas conmigo. Marcharte quiso el destino y que te sueñe también. Sé que te vas de París, pero no de mi cabeza. Sería mejor que estés lejos, a que te vayas de mí. Sé que te vas de París, pero a mí nada me falta. Abrazo, duerme en mi falda, yo sé que piensas en mí. Y aunque no voy a sufrir por historias sin mañana, vestido de amor es mi cama para no dejarte ir. De mí no suelo disimular, pero ni sabes quién fui ni quién soy. Eso que importa ya, eso que importa, mi amor. Sé que te vas. Piedra sigue prendida, esa pared se está enredando. Así anda mi alma contigo, aferrándose a tus labios. París se durmió callada de nuestros besos, sintió envidia, ignora que fue su luz que me obligó a verte oscuras. Tuve que ir a esconderte de la ciudad en mis sábanas y hacerte el amor hasta por la mañana. De mí no suelo disimular, pero ni sabes quién fui ni quién soy. Eso que importa ya, eso que importa, mi amor. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.